Le corps des attachés militaires en Corée a déposé le 25 les couronnes mortuaires au cimetière des martyrs révolutionnaires de Taesongsan et au cimetière des martyrs qui ont participé à la guerre de libération de la patrie à l'occasion du 85e anniversaire de la fondation de l'héroïque armée populaire de Corée.